بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'interroge au sujet du butin. Dis, le butin appartient à Dieu et à son messager. Craignez Dieu. Maintenez l'entente entre vous et obéissez à Dieu et à son messager si vous êtes croyants. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur ressemble de la crainte lorsque le nom de Dieu est mentionné. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Ils placent toute leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont, en toute vérité, les croyants. Il y a pour eux des rangs d'honneur auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et des provisions en abondance. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, en dépit du fait qu'une partie des croyants y était opposée. Ils se sont disputés avec toi au sujet de la vérité, après qu'elle ait été rendue manifeste, et ils se sont avancés, comme si on les poussait, vers une mort qu'ils pouvaient voir de leurs propres yeux. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Lorsque Dieu vous a promis qu'une des deux bandes serait à vous, vous désiriez alors vous emparer de celle qui n'était pas armée. Et Dieu voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants. Afin qu'il fasse triompher la vérité et démontre la fausseté de ce qui est faux, en dépit de l'aversion qu'en avaient les criminels. Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, et il vous répondit, « Je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ويثبت به الأقدام. Dieu ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs soient rassurés. La victoire ne provient que de Dieu. Certes, Dieu est puissant et sage. Lorsqu'il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de sa part, puis du ciel, il fit descendre une pluie afin de vous en purifier, d'éloigner de vous la souillure de Satan, de renforcer vos cœurs et de raffermir vos pas. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. Ton Seigneur inspira aux anges. Je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans le cœur de ceux qui ne croient pas. Frappez-les donc au-dessus du cou et frappez-les sur chacun de leurs bouts de doigts. Cela parce qu'ils se sont opposés à Dieu et à son messager. Envers quiconque s'oppose à Dieu et à son messager, Dieu est certainement sévère en punition. Voilà votre rétribution. Goûtez-y donc et au négateur le tourment du feu. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez les mécréants marchant vers le champ de bataille, ne leur tournez pas le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce ne soit par tactique de combat ou pour joindre un autre groupe, encourt la colère de Dieu et sa demeure sera l'enfer. Quelle mauvaise destination! Ce n'est pas vous, musulmans, qui les avez tués, c'est Dieu qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ô Mohammed, ce n'est pas toi qui lançais, mais Dieu, afin d'éprouver les croyants par une belle épreuve de sa part. Certes, Dieu est audient et omniscient. Voilà que Dieu réduit à rien les plans des négateurs. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Vous avez demandé un jugement, et voilà qu'un jugement arrive. Et si vous cessez de persécuter les croyants, ce sera bien mieux pour vous. Mais si vous retournez vous battre, nous y retournerons également. Et vos armées, même nombreuses, ne vous seront alors d'aucune utilité, car Dieu est vraiment avec les croyants. Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu et à son messager, et ne vous détournez pas de lui lorsque vous l'entendez parler. Ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous entendons » alors qu'ils n'entendent rien. الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Les pires des bêtes aux yeux de Dieu sont les sourds muets qui ne raisonnent pas. Si Dieu avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait en sorte qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient certainement le dos en s'éloignant. Ô vous qui croyez, répondez à Dieu et aux messagers lorsqu'ils vous appellent et à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Prémunissez-vous contre un châtiment qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Sachez que Dieu est sévère en punition. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et faibles sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens. Il vous a alors fourni un asile, vous a renforcé de son secours et vous a attribué de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Dieu et son messager, et ne trahissez pas sciemment la confiance que l'on vous accorde. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès de Dieu se trouve une énorme récompense. Ô vous qui croyez, si vous craignez Dieu, il vous accordera la faculté de discerner, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et la grâce de Dieu est immense. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا Lorsque les négateurs complotaient contre toi pour t'enchaîner ou te tuer ou encore te chasser, ils complotaient, mais Dieu avait aussi son plan et c'est lui le meilleur en stratagème. Lorsque nos versets leur sont récités, ils disent « Nous avons déjà entendu cela. Si nous voulions, nous pourrions dire des choses similaires. Ce ne sont que des légendes d'anciens. » وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ Lorsqu'ils dirent « Ô Dieu, si cela est vraiment la vérité provenant de toi, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou envoie-nous un douloureux châtiment. Dieu n'allait pas les châtier alors que tu te trouvais parmi eux, pas plus qu'il n'allait les châtier alors qu'ils demandaient pardon. Quelle excuse ont-ils pour que Dieu ne les châtie pas, alors qu'ils empêchent les croyants d'accéder à la mosquée sacrée, bien qu'ils n'en soient pas les gardiens, car ces gardiens ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Leur prière auprès de la Kaaba n'est que sifflement et frappement de main. Par conséquent, on leur dit, goûtez au châtiment pour ne pas avoir cru. Certes, ceux qui ne croient pas dépensent de leurs biens pour empêcher les gens d'accéder au sentier de Dieu. Or, après les avoir dépensés, leurs biens deviennent pour eux un sujet d'intense regret. Puis, ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés dans l'enfer. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا Afin que Dieu distingue les mauvais des bons. Les mauvais, il les empilera les uns sur les autres pour en faire un amoncellement qu'il jettera dans l'enfer. Ceux-là sont vraiment les perdants. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qu'ils ont commis dans le passé. Et s'ils récidivent, alors l'exemple des hommes de jadis leur sert déjà d'avertissement. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de persécution et que la religion soit entièrement à Dieu. Puis, s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Dieu observe bien ce qu'ils œuvrent. S'ils se détournent, alors sachez que Dieu est votre maître, un excellent maître et un excellent protecteur. ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما Sachez que, de tout butin que vous ramassez, un cinquième appartient à Dieu, aux messagers, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Si vous croyez en Dieu et en ce que nous avons révélé à notre serviteur, le jour du discernement, le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, Dieu est omniprésent. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. Quand vous étiez sur le versant le plus proche, et les ennemis sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane était plus bas que vous, si vous aviez convenu d'un rendez-vous, vous vous seriez opposé sur le choix de ce rendez-vous. Mais tout advint pour que Dieu accomplît un ordre qui devait être exécuté, pour que, sur preuve, périsse celui qui devait périr, et vécu, sur preuve, celui qui devait vivre. Dieu est certes audient et omniprésent. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. En rêve, Dieu te les avait montrés peu nombreux, car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez sûrement faibli et vous vous seriez disputé à propos de l'affaire. Mais Dieu vous en a préservé. Certes, il sait ce qui se trouve dans le cœur. Au moment de la rencontre, lorsqu'il les a fait paraître peu nombreux à vos yeux et qu'il vous a fait paraître nombreux à leurs yeux, c'était pour qu'il réalise un ordre déjà décrété. C'est à Dieu que sont ramenées toutes choses. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une armée, soyez ferme et invoquez beaucoup Dieu afin de réussir. Obéissez à Dieu et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous faiblirez et vos forces vous quitteront. Soyez patients, car Dieu est certes avec ceux qui sont patients. Ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure, pleins d'insolence, dans le but de détourner les hommes du sentier de Dieu. Alors que Dieu cerne parfaitement tout ce qu'ils font. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. Quand Satan eut enjolivé leurs actions et dit « Nul parmi les humains ne peut vous vaincre aujourd'hui et je vous donne mon soutien. » Mais lorsque les deux armées arrivèrent en vue l'une de l'autre, il tourna les talons et dit « Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas. Certes, je crains Dieu et Dieu est sévère en punition. » إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Et lorsque les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur dirent « Ces gens-là, leur religion les a trompés. Quiconque place sa confiance en Dieu trouvera que Dieu est certes puissant et sage. Si tu voyais comment les anges arrachent l'âme des négateurs, ils frappent leur visage et leur dos en disant « Goûtez au châtiment du feu. » À cause des actions que vous avez accomplies de vos propres mains, Dieu n'est point injuste envers ses serviteurs. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Il en fut de même du peuple de Pharaon. Et de ceux qui vécurent avant eux. Ils ne crurent pas aux signes de Dieu, et Dieu les châtia pour leurs péchés. Certes, Dieu est fort et sévère en punition. C'est qu'en effet, Dieu ne modifie jamais une grâce qu'il a accordée à un peuple, avant que ce dernier ne change ce qui est en lui-même. Cela parce que Dieu entend tout et qu'il est omniscient. Il en fut de même du peuple de Pharaon. Et de ceux qui vécurent avant eux. Ils rejetèrent les signes de leur Seigneur. Alors nous les fîmes périr pour leurs péchés. Et nous noyâmes le peuple de Pharaon, car c'étaient tous des injustes. Inna sharra dawabbi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا يعجزون. Certes, les pires bêtes aux yeux de Dieu sont ceux qui le rejettent et qui refusent de croire. Ceux-là même avec lesquels tu as conclu un traité et qui profitent de chaque occasion pour le rompre, sans aucune crainte de Dieu. Si tu arrives à les maîtriser, durant la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire, afin de semer l'effroi chez ceux qui viennent derrière. Peut-être se souviendront-ils. Si tu crains une trahison de la part d'un peuple, alors dénonce le pacte que tu as conclu avec eux de façon franche et loyale. Certes, Dieu n'aime pas les traîtres. Que les négateurs ne croient pas qu'ils puissent nous échapper, ils ne peuvent certainement pas nous échapper. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Préparez tout ce que vous pouvez comme force et chevaux harnachés, afin de jeter les désarrois dans le cœur de ses ennemis, qui sont à la fois les vôtres et ceux de Dieu, ainsi que dans celui d'autres ennemis que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît. Tout ce que vous dépensez dans le sentier de Dieu vous sera pleinement remboursé et vous ne serez point traité de façon injuste. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Si vos ennemis inclinent à la paix, incline vers celle-ci toi aussi, et place ta confiance en Dieu. Car il entend tout et il est omniscient. S'il cherche à te tromper, alors certes, Dieu te suffira. C'est lui qui t'a soutenu en t'apportant son aide ainsi que l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur. Même si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pas réussi à unir leur cœur. C'est Dieu qui les a unis, car il est certes puissant et sage. النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1,000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Ô prophète, Dieu et ceux qui te suivent parmi les croyants te suffisent. Ô prophète, exhorte les croyants au combat. S'il y a parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200, et s'il y en a 100, ils vaincront 1,000 négateurs, car ces derniers sont des gens qui ne comprennent point. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1,000 يغلبوا 1,200 بإذن الله والله مع الصابرين. Maintenant, Dieu vous a procuré allègement et a reconnu en vous une faiblesse. S'il se trouve parmi vous 100 hommes endurants, ils en vaincront 200. S'il s'en trouve 1000, ils en vaincront 2000 par la grâce de Dieu. Dieu est avec les endurants. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Il ne sied pas un prophète de faire des prisonniers avant d'avoir combattu et d'avoir triomphé des ennemis de Dieu sur terre. Vous désirez les biens temporaires de ce monde, tandis que Dieu veut l'au-delà. Dieu est puissant et sage. N'eût été d'un décret préalable de Dieu, un terrible châtiment vous aurait touché pour la rançon que vous avez prise. Mangez donc de ce que vous avez pris en butin, ce qui est licite et pur. Et craignez Dieu, Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Dieu sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux encore que ce qui vous a été pris, et il vous pardonnera. Certes, Dieu est pardonneur et miséricordieux. S'ils veulent te trahir, ils ont déjà trahi Dieu auparavant, et il vous a alors donné le dessus sur eux. Dieu est omniscient et sage. Inna alladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladhina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Certes, ceux qui ont cru, qui ont quitté leur demeure, ont fait effort de leur bien et leur vie sur la voie de Dieu, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours. Ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas quitté leur demeure, vous n'êtes pas en devoir de les protéger tant qu'ils n'auront pas quitté leur demeure. Mais s'ils cherchent secours auprès de vous, au nom de la religion, il est alors de votre devoir de les aider, sauf si c'est contre un peuple auquel vous êtes liés par un traité. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Ceux qui ne croient pas sont protecteurs les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, en vous protégeant les uns les autres, il y aura sur terre une grande confusion et beaucoup de corruption. Ceux qui ont cru, qui ont quitté leur demeure, ont fait effort sur la voie de Dieu, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours. Ceux-là sont les véritables croyants. Il y aura pour eux un pardon et une généreuse récompense. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Ceux qui par la suite ont cru, quitté leur demeure et fait effort sur la voie de Dieu avec vous, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par les liens du sang ont priorité les uns sur les autres, selon le décret de Dieu. Certes, Dieu est omniscient.